13h30. Et là, tout de suite, vous avez rendez-vous avec Histoire Vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire Vivante. Très jeune, quand j'ai lu Shakespeare, c'est le poids d'être de ces personnages. C'est le moindre personnage dans Shakespeare et d'une complexité, d'une richesse extraordinaire. À l'époque, par exemple, de Shakespeare, tous les rôles de femmes étaient joués par de jeunes adolescents. Les femmes n'avaient pas le droit de jouer sur scène et ce sont des femmes de roi ou des filles de roi, des choses comme ça, qui ont réussi petit à petit à s'introduire presque en secret, en cachette dans les spectacles. Puis on a enfin admis un jour que les femmes pouvaient faire ce travail et que c'était aussi formidable. Cette semaine, un homme d'exception. Shakespeare donne-t-il une image négative des femmes à travers Lady Macbeth, à travers Catherine de... Ou au contraire, est-il un pré-féministe avant la lettre, puisque très souvent, dans les comédies, ce sont les femmes qui portent les valeurs de sacrifice, d'amour. Même si Shakespeare est un génie universel et a parlé très bien de tout, on ne peut pas nier qu'il a énormément parlé du droit. On a fait le compte sur les 36 pièces qu'il nous a laissées, qu'on lui attribue, une trentaine mettent en scène des procès. Shakespeare, sa vie, son œuvre. Aujourd'hui, le rêve secret de tout comédien, c'est de jouer Shakespeare. Quant à Shakespeare lui-même, mon hypothèse, en parcourant une dizaine de ses pièces dites historiques, c'est que Shakespeare s'attache à montrer les écarts parfois énormes entre la fonction mythique et la réalité humaine du roi. Le monde est un théâtre. Le prochain documentaire d'Histoire Vivante aura pour sujet le pouvoir en Birmanie. Le pouvoir, et bien sûr sa représentation, ou les confusions sur sa représentation. Est-il besoin de souligner le renversement de l'opinion en Occident à propos d'Aung San Suu Kyi? Il nous a paru à ce sujet intéressant d'évoquer le thème de la représentation du pouvoir, et si un auteur s'y est particulièrement attelé, c'est bien William Shakespeare. Ainsi que l'écrit notre premier invité de la semaine, à propos de l'universalité de l'auteur. Shakespeare se joue sur toutes les scènes du monde, en Italie comme en Allemagne, au Japon, en Chine, en Inde, dans toutes les langues, dans tous les festivals. C'est l'auteur dramatique le plus connu, le plus lu, le plus commenté. Shakespeare, c'est le grand théâtre du monde par l'universalité de ses sujets. L'ouverture du champ de son œuvre, sa richesse thématique, son ambiguïté, ou son relativisme critique, par sa réflexion constante sur le théâtre, la théâtralité, par la luxuriance de son verbe qui appelle mais défie la traduction. Shakespeare fascine encore par ses intuitions sur la politique et sur la violence, par les aperçus vertigineux qu'il offre sur le refoulé et les zones d'ombre de ses personnages. Son œuvre embrasse tout dans une langue éclatante et obscure, creusé d'abîmes et constellé de métaphores inédites et somptueuses. Je suis un passionné de Shakespeare, ce qui n'est pas un métier, mais qui nourrit ma vie. Et j'ai été, jusqu'à ces dernières années où j'ai pris la retraite, enseignant à l'Université de Paris 10, dans deux départements différents, le département d'anglais et le département d'études théâtrales, et mon enseignement a porté principalement sur Shakespeare. L'époque élisabéthaine, le théâtre principalement, aussi la poésie. Et j'ai surtout professionnellement été traducteur de Shakespeare parce que, à un moment donné, le divorce... était patent entre les traductions issues du monde universitaire et le type de matériaux dont a besoin un comédien. Je suis parti pour cette activité que d'autres ont sollicité, de retraduire le théâtre de Shakespeare pour la scène. Je suis parti de l'évidence que tout dans l'écriture de Shakespeare montre que Shakespeare écrivait pour ses comédiens et c'est un texte qui prend vie dans le corps, dans la voix des acteurs et tout se passe comme s'il y avait une sorte de métamorphose Peter Brook emploie la métaphore du charbon en disant Shakespeare, c'est du charbon, il ne vit que quand il brûle. Donc il n'est vivant que lorsqu'il est dans le corps, dans la voix d'un acteur. Donc c'est commencé à retraduire Shakespeare pour la scène, à la demande de metteurs en scène précis, hein, c'était une série de commandes, avec le sentiment qu'il fallait essayer de rendre cette texture particulière d'un texte écrit non pas pour être lu, mais pour être incorporé par les acteurs. Vous aviez vous-même, Jean-Michel Desprats, une expérience individuelle en tant qu'acteur, que comédien ou que diseur de mots pour justement prendre en compte cette demande des metteurs en scène? Oui, tout à fait. J'ai fait du théâtre dans ma jeunesse. J'ai créé une troupe. On a fait un certain nombre de spectacles, dont certains étaient professionnels, mais dont les premiers ont été créés avec une troupe amateur au théâtre de l'École normale supérieure. J'étais étudiant en normale sup et cette envie de faire du théâtre qui me tenaillait depuis toujours s'est exprimée par l'engagement dans une troupe de comédiens, la création de spectacles. C'était souvent des créations collectives, plus souvent que des textes, un peu dans l'esprit du temps, hein, dans le style de ce que faisait le théâtre de l'Aquarium, à côté du théâtre du Soleil. Et donc, j'ai le sentiment, beaucoup de traducteurs qui sont ou ne sont pas des écrivains disent souvent que, voilà, en tant que traducteur, leur imaginaire, c'est d'écrire. Et moi, je dirais que mon imaginaire, c'est plutôt l'acteur virtuel qui porte ses textes, les textes qu'il traduit en lui, comme pour les jouer, que c'est plutôt ça, ma vocation rentrée. Je vous ai fait parvenir les pistes d'interrogation que j'avais envie d'ouvrir avec vous, mais il y en a une que je ne vous ai pas soumise et qui me vient en vous entendant, qui est également liée au fait que j'ai eu à traiter dernièrement dans l'Histoire vivante d'un thème autour de Charlie Chaplin. Je me suis dit, ce qui est quand même impressionnant, c'est qu'on reconnaît à Charlie Chaplin, notamment du fait du caractère muet de son cinéma, d'une partie de son cinéma, une dimension universelle. Alors que quand je lis vos premières lignes, que je vais lire comme ça à l'auditeur, Shakespeare se joue sur toutes les scènes du monde, en Italie comme en Allemagne, au Japon, en Inde, en Chine. Donc ce caractère universel, on le retrouve également chez Shakespeare, à ceci près que entre Charlie Chaplin et William Shakespeare, si j'ose dire, l'un parle et l'autre pas. Comment vous appréciez ça? C'est un élément tout à fait essentiel, parce que Shakespeare est un homme des mots, et même d'une prodigalité linguistique. L'écriture de Shakespeare est d'une richesse incroyable. C'est une écriture métaphorique, essentiellement, ce que n'est pas, par exemple, l'écriture de son contemporain Marlowe. J'ai traduit une pièce de Marlowe pour Alain Françon, pour Festival d'Avignon. Et dans cette pièce, Édouard II, il y a un jeu de mots. Alors qu'on sait qu'ils abondent dans Shakespeare, au point même qu'un critique du 18e disait que les jeux de mots, c'est la fatale Cléopâtre de Shakespeare, qui n'a jamais résisté à un jeu de mots. Et Dieu sait que, entre autres, ces jeux de mots, qui sont souvent des jeux de mots sexuels, sont nombreux, difficiles à traduire et qui sont la marque, la signature de Shakespeare par rapport à ses contemporains qui écrivaient un théâtre souvent très différent. Par exemple, son ami Ben Jonson. Les comédies de Ben Jonson sont très proches des comédies moliéresques dans leur intention, des comédies satiriques, des comédies de mœurs, alors que les comédies de Shakespeare se déploient dans un imaginaire et sont surtout des comédies d'amour. Donc la marque de Shakespeare, c'est bien cette écriture dense, elliptique, métaphorique, qui se bâtit surtout par des réseaux de métaphores. Ce qu'on a appelé à l'époque d'un terme qui signifie plus ou moins la préciosité, et le terme qu'on emploie dans la littérature anglaise, c'est celui de euphuisme. Dans chaque pays européen, il y a un mot particulier, hein. On parle de gongorisme au Portugal, de marinisme en Italie, etc. En France, de préciosité, et en Angleterre, d'euphuisme, qui est le titre d'un recueil de John Lely, un contemporain de Shakespeare, plutôt devancier, qui écrivait un théâtre de cour extrêmement codifié, stylisé, et là, l'apport principal de Shakespeare, c'est la richesse des personnages. Moi, c'est ce qui m'a frappé très jeune, quand j'ai lu Shakespeare, poussé par mon père, qui était déjà un fan, un passionné, c'est le poids d'être de ces personnages. C'est le moindre personnage dans Shakespeare, et d'une complexité, d'une richesse extraordinaire. Et donc, il y a une écriture très, très singulière de Shakespeare, dans l'ensemble de ce théâtre très riche qui est le théâtre élisabéthain, puisqu'il n'y a pas que Shakespeare qui ait marqué son époque. Mais le caractère justement universel de Shakespeare écrase un peu les autres. Mais je n'ai qu'une partie de la réponse, mais peut-être d'ailleurs il ne peut pas y en avoir plus. Je ne sais pas, avez-vous déjà vu précisément un Shakespeare au Japon ou Non, j'ai ailleurs. Vu des films japonais, ouais. Notamment Le Château de l'araignée, qui est un des plus d'un certain majestueux, Kurosawa. Des plus... Ouais. Qui est également un chef-d'œuvre, tiré d'un chef-d'œuvre. Mononoke no tsumu mori. Sono mori ni kakomare, Moshu no kiri uzu o maku shiro. その権力の座、その権力の座を争う者、そしてそれを血であがなった者の末路は、血で血を洗う戦国絵巻。 Histoire vivante, suite de l'entretien avec Jean-Michel Deprat. Il y a comme une sorte de plasticité de l'œuvre shakespearienne qui fait que elle s'adapte à toutes les époques, à tous les pays, à toutes les cultures. Puisque si on a pris l'exemple du Japon, c'est une influence dans les deux sens, parce que comme vous savez, Nouchkine est allé puiser dans le kabuki, dans le katakali, des formes théâtrales pour traiter Shakespeare. Ainsi que la compagnie, le théâtre Douai de Parme, qui à l'époque, quand il joue notamment à Paris au Cirque d'Hiver, emprunte dans un registre extrêmement large qui va des spaghettis au théâtre Kabuki, sous des yeux admiratifs de Peter Brook, à l'époque, qui considère que cette compagnie est une compagnie qui, je crois, aujourd'hui n'existe plus, est certainement l'une des plus importantes en Europe. Effectivement, c'est la démonstration quasiment dans ces représentations de l'incroyable plasticité. C'est un mot qui me fait rebondir à ce que vous avez écrit, Jean-Michel Desprats, relatif à la façon dont les acteurs jouent Shakespeare, du temps de Shakespeare, et sans doute Shakespeare lui-même, où là le code emphatique est assez présent, alors qu'aujourd'hui on n'est plus dans cette emphase-là. Est-ce que le traducteur que vous êtes joue là un rôle important, essentiel? J'ose pas dire modernisé, parce que ça n'aurait absolument aucun sens. Il faut trouver le mot qui serait le plus adapté. Le comédien tout à fait la possibilité de d'habiter, de dire, de projeter de façon naturaliste, puisque cette évolution que vous pointez, très justement, elle vient surtout de l'influence du cinéma et de la télévision. Si je prends le Richard III qu'avait monté La Vaudan en 1984, il y avait d'un côté un comédien, Philippe Morier-Genoux, qui à l'évidence avait le goût de la rhétorique, le goût des figures de rhétorique, qui faisait chanter sans emphase, mais avec une puissance verbale très amplifiée, les mots de Shakespeare. Il interprétait en travesti le rôle de Margaret dans Richard III, et l'acteur principal qui, au contraire, Ariel Garcia Valdés, avait sa manière à lui, beaucoup plus discrète, diffuse, quasi inventée. Comment ? Quasi évanescente, d'ailleurs, par moment. Oui, d'habiter le texte de Shakespeare. Ils habitaient le texte de Shakespeare à l'intérieur de la même mise en scène de façon totalement différente. Radio France, 1984. Jean-Marc Stricker, vous avez vu le spectacle mis en scène, oui, par Georges Lavaudan. Donnez un petit peu l'eau à la bouche pour les des auditeurs de France Inter. Bah, c'est-à-dire, j'aimerais bien tout d'abord tirer un grand coup de chapeau au traducteur Jean-Michel Desprats. Il a concocté un texte qui traduit toutes les richesses de Shakespeare. Et c'est en même temps un texte qui est fait pour être joué. Il n'a pas du tout de raideur universitaire. On a l'impression que Georges Lavaudan et ses interprètes se sont vraiment régalés avec ce texte de Richard III, que ce soit dans le drame ou dans l'horreur ou dans l'humour, car il y a de l'humour. Je pense notamment à Philippe Morier-Genoux qui joue la reine mère, enfin la reine Margaret, et qui est absolument extraordinaire et qui fait rire les 2300 personnes qui sont dans les gradins. Georges Lavaudan, dans votre distribution, j'ai lu dans les critiques qui sont parues dans la presse parisienne que vous avez distribué certains rôles de manière à installer des travestis sur scène. Jean-Marc le rappelait à l'instant, la reine est tenue par un homme et un personnage féminin est tenu, un personnage masculin est tenu par une femme. Pourquoi avez-vous tenu à utiliser des travestis? Il y a deux choses, si vous voulez. Il y a une idée de base, mais que je n'ai pas retenue, qui est qu'à l'époque, par exemple, de Shakespeare, tous les rôles de femmes étaient joués par de jeunes adolescents. Mm-hmm. Hein, les femmes n'avaient pas, oui, le droit de jouer sur scène, et ce sont, si vous voulez, ce sont des femmes de rois ou des filles de rois, des choses comme ça, qui ont réussi petit à petit à s'introduire presque en secret, en cachette dans les spectacles, puis on a enfin admis un jour que les femmes pouvaient faire ce travail et que c'était aussi formidable. Est-ce que le fait que cette reine soit distribuée avec un acteur masculin produit des effets? Est-ce que vous estimez que ça a un effet sur votre mise en scène et sur la perception qu'en ont les spectateurs? Moi, j'étais, si vous voulez, très très inquiet de l'effet de grossièreté, j'allais dire, que ça aurait pu produire. L'effet de grotesque ne me gêne pas. C'est encore toujours la même chose. Je n'aime pas du tout me moquer des personnages et des gens. C'est-à-dire, encore une fois, c'est une scène qui fait rire, mais normalement elle fait rire, puisque, si vous voulez, Margaret comme ça est une vieille prophétesse qui vient un peu, je veux dire, vous savez, on est dans une espèce de réunion de famille, tout le monde est là, l'ambiance est plutôt morose, et puis tout d'un coup vous avez la vieille tante qu'on n'a pas vue depuis 20 ans et dont on a arraché l'héritage, qui revient réclamer son héritage, donc ça jette un froid, et vous voyez un peu la situation. Donc de toute façon, jouer par un homme ou jouer par une femme, on a quand même une situation un peu explosive, et je voulais surtout pas que ça devienne trop caricatural quelque part, et je crois que justement j'ai pas demandé, si vous voulez, à Philippe Morier-Genoux de faire la femme. Je lui ai pas demandé, si vous voulez, de se trémousser ou de faire des effets de fossiles, si vous voulez. Je lui ai simplement demandé d'être très profondément, de sentir en lui ce que pouvait receler cette situation, au-delà d'être un homme et une femme, c'est-à-dire tout d'un coup d'arriver dans une réunion de famille et de se sentir rejeté par une famille entière. Et enfin, j'espère que c'est réussi, mais en tout cas, je n'aurais pas aimé que ce soit, je veux dire, grotesque ou méchant. Donc ça relève de l'acteur, du goût qu'il a ou non, des mots, il peut avoir une certaine réticence vis-à-vis de la rhétorique. Mais en tout cas, à l'époque de Shakespeare, il est certain que cette rhétorique était prégnante et que probablement, nous qui rêvons d'assister à une représentation au Globe, je pense que nous serions extrêmement déçus. Parce que déjà, les modes plus proches de nous, par exemple Monet Sully, ou plus encore même Dulin, d'interprètes français qui ont une certaine dimension de rhétorique, de codification dans leur jeu, nous paraît vieilli. Même Gérard Philippe, qui est un acteur adoré, quand il lit les stances du Cid, nous paraît avoir une diction un peu artificielle. Donc rien n'évolue plus vite que les codes de jeu. Et il est certain qu'à notre époque, les codes de jeu, même quand on joue Shakespeare, ont été remodelés par l'exigence de naturel, qui n'est pas d'ailleurs antithétique du fait de porter des mots. Mais enfin, maintenant, je crois qu'on ne supporte plus un jeu d'acteur qui n'ait pas une authenticité et qui fasse d'abord appel au code. Il y a eu, autour de Molière plutôt, cette espèce de dispute entre vitesse qui recommandait une artificialité, qui demandait à ses acteurs que l'alexandrin soit dit avec toutes ses contraintes, la diérèse, l'école Planchon, qui a été au contraire de rapprocher la diction théâtrale du naturel, d'une évidence plus réaliste. Histoire vivante, suite de l'entretien avec Jean-Michel Desprats. Jean-Michel Desprats, je vous ai sous la main, si j'ose dire, et j'ai vraiment envie d'en savoir un peu plus sur ce théâtre élisabétain. Qu'est-ce qui fait que, bien sûr Shakespeare, mais il n'est pas le seul, qu'il y ait une telle abondance d'écriture, Shakespeare n'étant pas le dernier dans ce domaine, car le Gaillard est particulièrement prolixe, mais il n'est pas le seul. Et surtout, il ne faut pas seulement qu'il y ait des auteurs, il faut également, les comédiens également, un lieu, des lieux, mais aussi, et surtout, et ça c'est une durée, un public. Et là, tout y est. Qu'est-ce qui fait qu'en Europe, aussi précocement, si j'ose dire, l'Italie peut être évidemment mise à part, il y a une telle abondance à ce moment-là? Je crois que la fondation de lieux spécifiquement voués au théâtre est un élément tout à fait important. Et quand on parle de théâtre élisabétain, il est certain que c'est sous le règne d'Élisabeth qu'ont été bâtis les premiers théâtres en bois, alors que le théâtre avant, sans remonter au Moyen-Âge, était itinérant. Les troupes se produisaient parfois à la cour, mais le plus souvent sur des places publiques, dans des lieux non aménagés pour le théâtre. Donc, l'élément nouveau, c'est quand même, dans les années 1580 et même antérieurement, la construction de bâtiments qui sont spécifiquement consacrés aux représentations théâtrales. Volonté politique, donc. Il y a un mouvement, peut-être justement... parce que il y a un engouement pour le théâtre et qu'on sent qu'il y a un public potentiel. Ceci étant dit, ce public, il est quand même très réduit, puisque il y a 200 000 personnes à Londres qui vont au théâtre, ce qui n'a rien à voir évidemment avec l'ampleur des publics contemporains. Mais il y a cette centralité du théâtre comme le seul divertissement, si l'on exclut les combats d'ours, qui d'ailleurs se passaient non pas dans les mêmes lieux, mais dans des lieux analogues, de forme octogonale, qui ont été construits au sud de la Tamise, à partir du moment où la troupe de Shakespeare, qui se produisait dans un lieu qui s'appelait Le Théâtre, au nord de Londres, a dû déménager pour des questions de bail, non reconduit, et à transporter de nuit, c'est déjà très aventureux, toutes les planches du théâtre pour construire le Globe, en 1599. Et alors, il faut se rappeler que il n'y a pas le procédé de mise en scène contemporaine où, parce qu'on cherche à bâtir une idée de mise en scène, on passe beaucoup de temps à explorer le texte. À l'époque de Shakespeare, on donne à chaque acteur uniquement son rôle, et en gros, le temps de mise en place, c'est simplement le temps de la régie, le temps où on fait en sorte que les entrées et les sorties soient coordonnées. Donc il n'y a aucun temps de répétition. Les producteurs contemporains adoreraient ce système-là. Mais ça veut dire qu'au bout de 12 jours, on est allé au bout du public qui pouvait s'intéresser, qu'il faut donc créer. Il y a une demande, et d'ailleurs, un phénomène dont on parle rarement, mais qui est tout à fait caractéristique de la création à l'époque élisabéthaine, c'est des écritures collectives, c'est-à-dire ce sont des collectifs d'auteurs qui prennent en charge. Alors par exemple, on dit, en concrétisant les choses, Marlowe, tu es, voilà, il y a quelqu'un qui s'appelle le plotter, qui établit l'intrigue principale ou les, et qui confie à un auteur dramatique particulier la rédaction du premier acte, à un autre du deuxième acte, voilà. La plupart des pièces s'écrivent comme ça. Donc Shakespeare a écrit avec des collaborateurs, à peu près 8 sur les 38 ou 40 pièces qu'on peut lui attribuer, mais il est surtout connu pour avoir signé seul. Alors que si vous prenez l'antithèse, l'auteur de La Duchesse d'Amalfi du Démon Blanc, il y a une troisième pièce moins souvent représentée en France, eh bien il a écrit près de 200 pièces en collaboration. Il n'a écrit que 3 qu'il a signées lui seul. Donc il y a une demande du public, voilà pour les données principales. Le théâtre a-t-il, de ce que vous pouvez savoir, précisément déjà en son temps une prétention éducatrice? Le théâtre de Shakespeare, le théâtre élisabéthain en général, est l'héritier pour une bonne partie du théâtre du Moyen-Âge. Et au Moyen-Âge, les pièces sont essentiellement des mystères, des moralités, et il y a justement ce prototype de la moralité qui met en scène une symbolique du bien et du mal. Et par exemple, Othello, pour ne prendre qu'un seul exemple, est aussi une moralité, puisque Othello, qui représente entre autres choses la créature humaine, est déchiré entre son bon ange, qui paradoxalement porte le nom de Disdémone, de démon, et son mauvais ange, qui est Iago. Donc il y a cette dimension d'un théâtre qui garde une dimension philosophique, religieuse, religieuse moins appuyée qu'au Moyen-Âge, mais néanmoins, le théâtre, c'est aussi le théâtre, c'est le thème du théâtre mundi que je veux aborder là, donner en spectacle à Dieu, ou donner en spectacle la conception du monde comme théâtre, du théâtre comme étant une métaphore du monde qui se retrouve dans la phrase de Pétrone qui trônait en haut du théâtre du Globe, qui est « Totus mundus agit histrionem », ce qui peut se commenter de manière plus claire en disant que chaque homme est un comédien, ou plus exactement, qu'il est un acteur d'un destin qui n'est pas écrit par lui. Alors c'est un thème qui remonte à la plus haute antiquité, hein, Démocrite, les penseurs grecs, et puis ce thème a traversé toute l'histoire jusqu'au Moyen-Âge où il prend justement cette dimension théologique du monde comme théâtre des dieux, comme théâtre de Dieu. Jean-Michel Desprats, je vous propose qu'on se retrouve demain pour poursuivre cet entretien. Encore évidemment un grand nombre de questions à vous poser, mais je sens même que l'émission de demain n'y suffira pas. Enfin, tant pis, au moins on aura donné le goût. À demain.